des oreilles tendues à ces affaires-là. Okay. Mais habituellement, si tu as eu une bonne éducation, ça ben peut passer. Mais si tu prends un jeune de 6 ans, puis pendant 15 ans, tu y bourres la tête parce que tes parents sont complètement craqués, c'est sûr que lui, tu l'as perdu, il est fini. Là. Mm. À 20 ans, il va pas revirer le bord et dire « finalement, comme c'est bon, Big Mac. » Puis c'est multifactoriel. Oui. L'immigration, les Chafias, le fils Chafia a participé au meurtre des il est éduqué par les parents là, à Kingston, exactement. Lui a été accueilli ici, puis s'est fait craquer, on l'a pas détecté. Donc c'est multifactoriel. Oui, effectivement, comme lui ce gars-là, si on avait une mesure dans le plan de lutte à la puis dans le plan d'immigration des nouveaux arrivants, etc., ou en tout cas dans le plan de lutte à la radicalisation, il devrait certainement y avoir une mesure là qui dit que quand tu prêches au Québec, tout ce qui est pas dans nos valeurs fondamentales, ton intention c'est vraiment de former des cellules pour combattre notre civilisation, exact. Nos valeurs, ben je m'excuse, mais si retourne dans ton pays, chum, t'as comme pas d'affaires ici parce que l'intention est claire. Denise Bombardier, j'ai mis sur ma page Facebook l'entrevue qu'elle a donnée à RDI, elle pose exactement la bonne question. Mais que fais-tu ici? Et tu ne peux pas répondre à cette question par... Il est en mission. Il est en mission de radicalisation. Il est pas tout seul. Ben c'est ça. Ben s'il est pas tout seul, trouvons les autres. Parce que c'est ça. Job du gouvernement, c'est d'assurer la sécurité des gens. Puis Couillard, va falloir qu'il décroche un peu dans son université, de son cher, niveau. Hein? De les associations musulmanes, dans nos universités, des endroits publics, financés avec nos taxes. Mais ces sites-là, puis en fin de semaine, il y avait des entrevues avec des responsables de l'association musulmane de l'Université Laval qui refusent de condamner ce gars-là. J'espère qu'ils refusent de le condamner, ils l'ont déjà invité. Mais ils sont déjà chez nous. Ils sont déjà parmi nous. Il faut les surveiller. Faut les surveiller comme faut. Puis encore, je dois dire, comme politiquement correct, il faut faire la différence entre les communautés musulmanes qui exercent leur religion dans la paix, la sérénité, puis bon, tout ça, et les islamistes radicaux qui sont en mission, c'est bien sûr. Mais une fois que t'en as identifié un, bâtince, arrive-moi pas avec t'es pas capable de rien faire. Gouvernement Couillard, là, vraiment, ça a l'air qu'il veut attendre la fin de la course du PQ pour sortir ses... Mais pourquoi, c'est quoi le... Beaucoup trop mouillé. Moi, je trouve que c'est de donner beaucoup d'importance au PQ. On va attendre parce que c'est tellement big, votre course, là, qu'on peut plus rien faire. On est sur le break, là, parce que on vous regarde aller, là. Waouh, c'est impressionnant. Il n'y a rien, là. Il est figé devant l'identité. C'est vrai, ça. C'est vraiment un aveu d'intimidation. Je suis intimidé, donc je n'agis pas. Par l'enjeu. Pas intimidé par le PQ. Il est intimidé par l'enjeu. Il ne veut pas prendre position. Là, c'est la population. On attend. Tout le monde attend. Il n'est pas intimidé par le PQ. Voyons donc. Il est intimidé par l'enjeu. Il n'est pas. Il l'a dit lui-même qu'il fallait pas couper les liens avec l'Arabie Saoudite. Quelle drôle de déclaration. Alors qu'on se bat pour tenter de libérer Badawi, le cher Brouhaha qui est enfermé là-bas. Oui, mais ça, c'est une autre affaire, là. Mais en tout cas, moi, je lève mon chapeau à Denis Coderre. Moi, j'imagine très bien une conversation la semaine passée. Denis Coderre qui appelle Philippe Couillard, qui est en préparation à sa conférence des confédérations. C'est quoi, donc, la conseil de la fédération? Puis Denis Coderre qui dit à Couillard, « OK, moi, je sais que t'es bien mal pris, là. Je m'en occupe. J'imagine très bien ça. Quel crédit politique il s'est donné. Puis tant mieux pour lui. Moi, je l'approuve 100 000 à l'heure. J'espère que les autres maires vont se pencher sur leur réglementation. Tout à fait, leur réglementation de zonage, parce que c'est rendu qu'il nous reste juste ça pour l'instant, là, avant d'avoir le plan gouvernemental. Mais donc, on fait quoi, Joanne, aussi? On ferme à Brossard, il y en a la mosquée à Souna, là, qui est ta ville Saint-Laurent, c'est identifié et réidentifié dans la presse dernièrement comme étant une mosquée de radicalisation. Écoute, la FBI, ils avaient sur une liste, là, eux autres. Ah oui? Puis il y a des documents prônant ou glorifiant le terrorisme. À matin, là, c'est ouvert. On fait quoi? Coderre, il fait quoi? Tu sais, il y en a un, on a spoté un. Là, on a arraché un brin d'herbe sur le terrain. C'est une pelouse, c'est un terrain de football. Là, ils sont ouvertes, les autres mosquées, ce matin. Mais radical. T'as la preuve. T'as la preuve que... Ouais, ben moi, j'ai la preuve. Si t'as la preuve. La presse pas aussi. On a la preuve. Ben oui, mais ça démontre. Que c'est un lieu de radicalisation. Le dossier de la extrémiste. Presse le démontrait clairement. Ben, garde. Agissez, politiciens. Agissez. Puis souvent, peut-être qu'ils vont ils vont trouver que c'est l'affaire d'un imam. Tu sais, c'est pas tous les imams qui prêchent dans cette mosquée-là. Alors, s'il l'identifie, qu'il l'expulse. Je veux dire, il faut, si on n'est pas capable de faire ça, arrêter de parler de lutte à la radicalisation, arrêter de faire croire aux gens qu'on peut faire quelque chose. Si on n'est pas capable de faire ça, Parce que ce que ça prend, je comprends bien, là, faut vraiment qu'on soit quasiment en train de le prendre, en train de monter sa bombe, là, tu sais. En train vraiment là de faire un plan avec une cape, dire ça va exploser. Tu sais, sinon on peut, parce que sinon Joanne, mais tu sais ce qui va arriver si on l'expulse là. Mm-hmm. Écoute, les droits de l'homme vont rentrer là-dedans, des avocats qui vont charger, ça va partir. Puis c'est, on n'est pas très à action réaction là, les politiciens, c'est très beaucoup de jasette, beaucoup de molasses. La question fondamentale, est-ce que l'islam est compatible avec la démocratie? Il y en a qui répondraient oui à ça. Ezra Levant te dirait oui. Khalid Mansour te dirait oui. Mais égalité de la femme. C'est pas tout le monde qui pratique l'islam de la même façon, Dominique. Faut faire attention, là. Je pose la question. Oui, des fois non. Mais l'islam radical, l'espèce d'idéologie dont parle Fatima Ouda Pépin, l'idéologie islamiste, le mouvement politique, radical, c'est pas compatible avec la démocratie. Exact. Ça ne veut pas dire que dans nos mosquées au Québec... Couillard dit que c'est un choix personnel. Ouais, ça, il dit que c'est un choix personnel. Ça, c'est extrême. Regarde, les brumes sont tombées. Ben oui, j'en revenais pas. Ben, c'est ça le problème. Parce que Dom, tu sais, l'Église catholique des années 40 n'est plus compatible avec notre société d'aujourd'hui. T'as entièrement raison. C'est vrai. Tu te donnes pas la communion parce que t'es pas enceinte. C'est ça, là. Tu sais, les curés qui rentraient dans la maison disaient, toi, tu vas avoir deux enfants d'ici trois ans. Puis t'es excommunié parce que c'est un scandale. T'as fait une fausse couche. C'est ça. Alors que là, on a aujourd'hui des gens qui sont catholiques puis qui s'affitent, là. Tu sais, donc, on peut pas, puis ça fait très, tout le monde dit ça tout le temps, mais tu peux pas mettre tous les musulmans, parce qu'il y en a, là, qui vivent aujourd'hui que la femme est au centre d'achat, le mari est pas là, là. Mm. Y a pas de problème. Ils vont venir à soir, ils vont souper, là. En fait, la clé, elle est là, hein. Elle est là aussi quand tu parlais que c'était multifactoriel. T'as bien raison. Une des clés, c'est certainement, par exemple, on a cet exemple-ci pour ce qui le concerne, la mosquée d'Anjou, qui l'ont expulsé. Exact. Ils l'ont expulsé. Bravo. Trop fou. Les musulmans, ce matin, dans le journal La Presse, il y a un porte-parole de cet endroit-là qui dit, écoute, puis qui, c'est de valeur, puis qui s'affirment pas, sont pas encore rendus à l'étape de se nommer, hein. Ils sont sous couvert de l'anonymat. On parle. Mais c'est dommage, ça. Va falloir qu'ils passent à il va falloir qu'ils s'assument à un moment donné. Ouais. Mais au moins, ils ont donné une entrevue puis qui dit, écoute, nous autres, on l'a expulsé. Parce que ça va à l'encontre de ce que notre façon de pratiquer l'islam, quoi. Alors, non, moi, je trouve que ça a été un pas, vraiment. Puis j'espère que ça va déboucher, justement, sur une assurance. Je suis d'accord avec toi. Hein? Il y a six mois, on n'aurait pas vu ça. Disons-le comme ça. Il y a six mois, mais il y a même trois mois, on n'aurait pas vu ça. Non. Le reste, ça prend Denis Coderre. Pour parler de notre Monique, de notre... Martine Ouellet? Oui. Ah ouais, donc un petit quickie pour finir. 30 secondes, Jean-Claude. 30 secondes, pour vrai, là. Mais Martine va coaliser tout ce qui est à gauche. Finalement, ça va être un combat, une lutte à finir. Va-tu rester de l'espace pour Bernard Drinville, coudon? Je sais pas. C'est une bonne question. N'avez-vous pas été impressionné par la qualité de sa présentation? Hey, Colin, sérieux, j'en reviens pas. Si c'est ça, nos leaders, là, c'est... Ah non, moi, je disais pas ça ironiquement. Pour vrai? Non, elle faisait une lecture de sa feuille, là. Elle était prête. Elle était prête comme une fille de secondaire 3 qui fait un exposé oral avec sa fille. Non, sérieux, là. Il est sexiste, Jean-Claude. Le charisme zéro, là. Les filles, pourquoi il n'y a pas dit un gars? Ben, parce que c'était une fille. Non, mais les filles, comme les comme autres. Ben, si ça avait été un gars, j'aurais dit comme un gars de secondaire 3. Là. Bonne réponse. C'était une fille, j'ai fait une... Bonne réponse. Très bon. J'ai trouvé ça atroce. C'est bon. Hey, merci beaucoup, Joanne.